بسم الله الرحمن الرحيم. سندخل اليوم في المسألة 91 91 مسألة في قوله تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال السلام. Dans le sens où Allah dit que certes nos messagers sont déjà venus, sont parvenus à Ibrahim avec la bonne nouvelle en disant salam. Et il a répondu salam. Sourate Hud, verset 69. قال المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة تدل على أن إبراهيم رد السلام على الملائكة وقد جاءت في سورة الحجر ما يوهم أنها وأنهم لما سلموا عليه أجابهم بأنه وجل منهم من غير رد السلام وذلك قوله تعالى فقالوا سلاما قال إن منكم وجلون. Donc ce noble verset démontre que Ibrahim عليه السلام a rendu le salam aux malaïka lorsqu'ils sont venus auprès de lui. Et pourtant, dans Surat Al-Hijr, on a l'impression qu'il n'a pas répondu cela, justement. Du fait que Allah Azzawajal dit de lui, lorsque les malaïkas sont venus passer le salam, qu'est-ce qu'il a dit, Ibrahim alayhi salam ? Faqalu, il a dit, ils ont du salam, et il a dit, vous êtes sub, nous avons peur de vous. Dans le sens, vous nous effrayez. Verset 52. Donc le premier verset qu'on a pris aujourd'hui dit que Ibrahim a.s. a passé le salam. Et l'autre dans Sourate Hijr, comme s'il n'avait pas répondu le salam et qu'il avait directement fait comprendre qu'il a eu peur d'eux. Qala wal jawabu zahirun wa huwa anna Ibrahim ajabahum bi kila al-amrayn. Que Ibrahim a répondu de les deux façons en fait. Radd as-salam wa ikhbar bi wajlihi minhum. Fa dhukira ahaduhuma fi Hud wal akhar fi al-Hijr. Donc en fait, il a répondu aux deux. D'accord, qu'il a rendu le salam et qu'il, qu'il les a informés qu'il avait peur d'eux. Cependant, une réponse a été citée dans Surat Hud, qui est le salam, et l'autre, qui indique la peur, dans Surat Al-Hijr, tout simplement, à deux endroits différents. Voilà, kassif le Coran. Beaucoup de faits comme ça, par exemple, comme dans l'histoire de Moussa, les salam, des faits sont cités dans certaines surates et d'autres non. Et il faut lire toutes les surates pour pouvoir avoir l'histoire complète. Qala wa yadullu li dhalika dhikruhu ta'ala ma yadullu alayhima. معا في سورة الذاريات في قوله فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. Donc également que Allah justement a lui-même lié entre les deux réponses dans sourate Az-Zariyat lorsqu'il dit dans le sens ils ont dit salam, il a dit salam au peuple d'inconnu. Et on ne vous connaît pas dans le sens où vous nous faites peur. Verset 25 Az-Zariyat. لأن قوله منكرون يدل على وجله منهم. Donc le fait qu'il dise que vous êtes des inconnus, cela montre qu'il a eu peur d'eux. ويوضح ذلك قوله تعالى فأوجس منهم خيفة. Également qu'il dit qu'il a ressenti d'eux de la peur. Également dans Sourate Hud et dans Az-Zariyat. Hud c'est verset 70 et Az-Zariyat c'est verset 28. مع أن في كل منهما قال سلام. Alors que dans les deux versets, dans Hud et dans Az-Zariyat, il a dit salam. Cela répond bien à la contradiction que pourraient s'imaginer certaines personnes. نعم. فبيد الله قد نكتفي والحمد لله رب العالمين.